Fait qu'automatiquement, t'es juge de tout ce qu'ils te disent. C'est ça. Ben, toi-même. Quand t'arrêtes de parler, faut jamais que t'arrêtes. Quand t'arrêtes de parler, t'as pas de pipe. T'as rien. C'est toi que la communication est si importante. Puis, un état comme ça, là, en tant quelqu'un comme ça, là, tu m'as dit, là, tu sais, c'est pas ça pour lui, c'est que... Bah. Parce que t'as des rues là-dedans. Bah. C'est ça. Bah. C'est ça. Et quand toi, tu leur parles, de toute façon, c'est toujours pour terminer à changer, puis vivre de la vie. Parce qu'habituellement, quand tu leur parles, moi, ça m'arrive un peu souvent, mais quand tu leur parles, c'est vraiment parce que tu veux te sortir de quelque chose. Donc, si tu veux te sortir de quelque chose, parce que tu es déjà prête vibratoirement à passer à d'autres choses. Ouais. C'est eux autres qui t'inspirent une question. C'est eux autres qui t'inspirent toute l'atmosphère. C'est ça, pour te relaxer au niveau émotif et mental. C'est ça. Comme la différence entre une pipe fausse et une vraie pipe, ils peuvent très bien t'inspirer toute l'atmosphère que c'est vrai. Ouais. Ça peut pas être vrai pantoute. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, t'as plus aucun point de repère. Mais, non, mais ça peut, c'est toujours vrai pareil. Oui, c'est ça. Parce que du vrai pantoute, ça n'existe pas pour eux autres. C'est toujours du vrai pareil. Oui, c'est ça. Il y a une différence. Ce moment-là, tu vas dire. Le vrai pantoute, ça n'existe pas avec ça. Parce que surtout que la communication, il y a du vrai pareil. On peut bien être en crise tout le temps. C'est pour ça qu'on est en crise tout le temps. Parce que c'est du vrai pareil. Il y a toujours raison. Si t'as du vrai pantoute, on se couperait. Parce que comme c'est du vrai pareil, tu sais jamais. Ça t'amène à sortir de la forme. Ouais. Fait qu'une fois que tu es en dehors de la forme, mais le vrai pantoute n'existant pas, le vrai pareil te nuisant pas ou t'intéressant pas, tu le vides. Fait qu'à ce moment-là, s'il te parle, c'est parce qu'il y a autre chose. Ouais. Il me semble que si tu es intelligent, tu l'as. Moi, j'ai jamais. Je pose, je parle pas, je cherche même pas à communiquer parce que je trouve pas ça, pour moi, je trouve pas ça intelligent. Parce que c'est comme un peu comme, il y a trop de, c'est comme un peu jouer le jeu, tu sais. Tu sais, communiquer, là, c'est trop jouer le jeu, ça. Communiquer, ça fait partie de ton état mental. Moi, je parle avec eux autres des fois. Seulement, je parle pour être informé de quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, si ça va mal en Pologne, c'est une relaxation, c'est un échange d'énergie. On dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là? Ils n'ont rien là. Tout est sous contrôle. Fait que c'est tout. Moi, je te parle comme quelques autres pour quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui est personnel. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent très bien profiter de la communication pour accélérer le travail. Ouais. C'est pas nécessairement dans tes intérêts. Ouais, ouais, ouais. À un moment donné. Ouais. Ce qu'elle dit, automatiquement, c'est parce que si elle cherche à savoir, c'est parce qu'elle a une émotion, fait que là, ils vont choisir. Ben, ouais. Pour ça, moi, je veux plus communiquer, parce que surtout que je veux communiquer ou je veux savoir quelque chose, je sais vibratoirement qu'il y a une émotion. Mm-hmm. Fait que je suis plus intéressée à communiquer avec eux autres, je sais que je vais être choisie. Ouais, mais une fois que tu es détaché de ce qu'ils disent, à ce moment-là, tu peux communiquer avec eux autres, ils vont te donner de l'information. Moi, je sais ce que je veux avec eux autres. J'ai pas grand curiosité, mais des fois, il y a des choses intéressantes. Je sais ce que je veux. Ils me disent ce que je veux. Oui, mais on était assez chargés. Oui. On l'est encore d'ailleurs, ouais. Mais de moins en moins. Ouais. Mais on était assez chargés. Mais ils sont obligés de faire. Eux, moi, présentement, c'est la fête. Oui. Ils sont obligés de faire ça parce que s'ils ne nous chargeraient pas, puis on ne sera pas écœurés d'eux autres, notre ego prendra le large. Vous savez ce qui se passe quand vous sortez des similaires? Ouais. Fait qu'il t'écœure bien net, tu veux rien savoir. Fait qu'éventuellement, il dit, sais-tu pourquoi est-ce que c'est fait ça? C'est pour nous rendre anonymes. Fait qu'éventuellement, quand t'es bien charrié, t'es bien écœuré, tu deviens anonyme, t'en parles plus de ces affaires-là. Fait que personne ne sait ce qui se passe, excepté les quelques personnes que tu peux connaître. C'est comme ça qu'ils nous rendent anonymes. Ils veulent qu'on apprenne à fermer nos gueules. Puis arrêter de parler au monde à l'extérieur de ces affaires-là. Parce que c'est de l'ego. C'est l'esprit d'intelligence qui fonctionne au lieu d'intelligence. Mm-hmm. ça me perd d'énergie parce que comment on fait quand il y a pas. Parce que il y a une chose qu'on réalise pas. Puis on ne réalise pas parce qu'on n'a pas assez. Les gens ne souffrent pas de la perte d'énergie. Moi, je souffre énormément de la perte d'énergie. Moi, quand je rouvre ma gueule, je change tout le monde. Fait qu'automatiquement, j'ai une perte d'énergie. Si je parle à quelqu'un, ça rue, mais là, ça arrête plus, là. Tu sais, ça arrête plus. Fait qu'automatiquement, je perds de l'énergie. Fait que ce qui arrive, des fois, je vais rencontrer quelqu'un, comme c'est arrivé à Noël dans un restaurant. Puis, la personne, elle voulait savoir qu'est-ce que je faisais dans la vie. Au jour de l'an. J'étais avec ma femme, là. Puis, tu ouvres le lit, t'es toute guindée. Ma femme était belle. Moi, j'étais beau. On avait un couple. Gisèle était là. Fait qu'on on était cute. Puis, on s'amusait. Puis, on dansait. Je suis capable de danser. Ouais. Fait que la première chose que tu sais, c'est que. Puis, ça, c'est vibratoire. Je viens pour aller aux toilettes. Puis, une femme qui m'accroche par le bras. Puis, elle dit qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur, dans la vie? Ben, je dis je fais comme tout le monde. Je travaille. Tu sais, ça, c'est une réponse que les gars ne s'attendent pas. Fait que ça coupe. Pas commencer à dire, madame, bon, mais je t'en parle à la psychologie, je donne des conférences, puis là, on va dire, dans quel domaine, tu penses ce que tu penses, puis tu s'arrêtes. Fini. Fait que tu es obligé de couper. C'est ça de l'intelligence. C'est pas de l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, il allait dire, je donne des conférences au public, des fois, je vais à la télévision, puis tu ferais 6-7, ça, c'est l'esprit d'intelligence. Mais l'intelligence, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça veut rien savoir, l'intelligence. Ça veut pas perdre d'énergie, l'intelligence. Sans ça, ça n'arrête plus. Ça veut pas perdre d'énergie pour rien. Ouais. Si tu as quelque chose, tu vas avoir l'énergie, tu perds rien. Ouais. Faut qu'il y ait une raison. Faut que ça fonctionne. Faut qu'il y ait une raison. Tu peux pas perdre de l'énergie. Puis moi, avec ma gueule, mais quand je rencontre du monde, mais ça n'arrête plus. Je suis obligé de couper ça. Je suis encore cute, tu sais. Je suis pas vieux. Je suis pas encore. Ouais. Vous allez comprendre, la bonne femme, elle t'a pas l'air, elle t'a blonde. Elle avait des yeux bleus. Son bonhomme était un petit peu plus vieux, tu sais, je veux rebougrir un peu. Fait que je suis pas encore. Avec les yeux bleus. L'hypothèque. Mais pour revenir au sérieux, là, t'es obligé de couper. Mais c'est ça qui se passe quand t'es dans ta vie de famille, là. On campagne avec eux autres, et puis ils ont ce qu'on appelle une vie vraiment inconsciente. Puis moi, ben, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Je jouais pas de cette vie-là, mais ça me dérange pas. Je vois à deux rythmes. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Tout ça. Tu veux rire? Non. Moi, je manque encore peut-être d'intelligence, donc t'as pas fait l'air, puis pas l'impression de dépenser de l'énergie, je commence pas à penser. C'est bon. Non, mais. Ouais, ouais, quand t'es bien, quand même. T'es bien. La langue, tu peux le communiquer. Moi, j'ai pas cette impression-là. Je voudrais s'en m'empêche. C'est bien des fois, tu parles parce que t'es pas capable de supporter l'énergie. T'es pas capable de rester avec l'énergie sans forme. T'es pas capable de la supporter. Fait que, tu cherches un canal au plus sec. C'est vrai. Donc, parce que la loi, c'est vrai. Très vrai. Je parle pas de tirer. Sans ça, vous pétez le lit. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, moi, c'est important de parler entre vous autres. Tu sais, il y a toutes sortes d'étapes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, les contradictions, une journée, ils nous disent de parler, une journée, ils nous disent pas parler. C'est pas... Les gens ne réalisent pas que c'est par étapes qu'on réalise certaines choses, par étapes. Je suis obligé de dire des choses aujourd'hui, puis demain, je vais dire d'autres choses, qui ne contredisent pas ce que j'ai dit avant, mais qui le développent. Par étape. Il faut que tu commences par l'étape numéro 1. Parle. Communique. Après ça, l'autre étape. Après ça, l'autre étape. La dernière étape, tu rentres dans ton trou et tu restes là. C'est bien. Mais c'est parce que tu es capable de le faire. Parce que vivre tout seul, tu ne peux pas communiquer. Quand tu es dans l'intelligence, il faut que tu aies les épaules fortes.